La cité de Dieu de Saint Augustin, livre 15e, Avant le déluge. Édition Charpentier 1855, tome 3e. Traduction par Monsieur Émile, Edmond, Cesset. Chapitre 23. Les enfants de Dieu qui, suivant l'Écriture, épousèrent les filles des hommes, dont naquirent les géants, étaient-ils des anges ? Nous avons touché, sans la résoudre, au troisième livre de cet ouvrage au chapitre 5, la question de savoir si les anges, en tant qu'esprits, peuvent avoir commerce avec les femmes. Il est écrit en effet, « Il se sert d'esprit pour ses anges, c'est-à-dire que de ceux qui sont esprits par leur nature, il en a fait ses anges, ou, ce qui revient au même, ses messagers. » Le mot grec « angelos », remarque saint Augustin, signifie « messager ». Mais il n'est pas aisé de décider si le prophète parle de leur corps, lorsqu'il ajoute « et d'un feu ardent pour ses ministres », psaume 103, 5. Ou s'il veut faire entendre par là que ses ministres doivent être embrasés de charité comme d'un feu spirituel. Toutefois l'Écriture témoigne que les anges ont apparu aux hommes dans des corps tels que non seulement ils pouvaient être vus, mais touchés. Il y a plus. Comme c'est un fait public et que plusieurs ont expérimenté ou appris de témoins non suspects que les sylvains et les faunes, appelés ordinairement incubes, ont souvent tourmenté les femmes et contenté leur passion avec elles, et comme beaucoup de gens d'honneur assurent que certains démons, à qui les Gaulois donnent le nom de Dusiens, tentent et exécutent journellement toutes ces impuretés, en sorte qu'il y aurait une sorte d'impudence à les nier. Je n'oserais me déterminer là-dessus, ni dire s'il y a quelques esprits revêtus d'un corps aérien qui soient capables ou non. Car l'air, simplement agité par un éventail, excite la sensibilité des organes. D'avoir, ces esprits, eu un commerce sensible avec les femmes. Je ne pense pas néanmoins que les saints anges de Dieu aient pu alors tomber dans ces faiblesses, et que ce soit d'eux que parle saint Pierre, quand il dit « Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les cachots obscurs de l'enfer, où il les réserve pour les peines du dernier jugement. » Pierre 2, 4. Je crois plutôt que cet apôtre parle ici de ceux qui, après s'être révoltés au commencement contre Dieu, tombèrent du ciel avec le diable, leur prince, dont la jalousie déçut le premier homme sous la forme d'un serpent. D'ailleurs, l'Écriture sainte appelle aussi quelquefois anges les hommes de bien, comme quand il dit de saint Jean, « Voilà que j'envoie mon ange devant vous, pour vous préparer le chemin. » Marc 1, 2. Et le prophète Malachie est appelé ange par une grâce particulière. Malachie 2, 7. Ce qui fait croire à quelques-uns que les anges, dont l'Écriture dit qu'ils épousèrent les filles des hommes, étaient de véritables anges, c'est qu'elle ajoute que de ces mariages sortirent des géants. Comme si dans tous les temps il n'y avait pas eu des hommes d'une stature extraordinaire. Voyez plus haut, chapitre 9. Quelques années avant le sac de Rome par les Goths, n'y vit-on pas une femme d'une grandeur démesurée, et ce qui est plus merveilleux, c'est que le père et la mère n'étaient pas d'une taille égale à celle que nous voyons aux hommes très grands. Il a donc fort bien pu y avoir des géants, même avant que les enfants de Dieu, que l'Écriture appelle aussi des anges, se fussent mêlés avec les filles des hommes, c'est-à-dire avec les filles de ceux qui vivaient selon l'homme, et que les enfants de Seth eussent épousé les filles de Caïn. Voici le texte même de l'Écriture. Comme les hommes se furent multipliés sur la terre et qu'ils eurent engendré des filles, les anges de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient bonnes, choisirent pour femmes celles qui leur plaisaient. Alors Dieu dit, « Mon esprit ne demeurera plus dans ces hommes, car ils ne sont que chair, et ils ne vivront plus que 120 ans. Or, en ce temps-là, il y avait des géants sur la terre. Et depuis, les enfants de Dieu ayant commerce avec les filles des hommes, ils engendraient pour eux-mêmes, et ceux qu'ils engendraient étaient ces géants si renommés. Genèse 6, 1, 4. Ces paroles marquent assez qu'il y avait déjà des géants sur la terre, quand les enfants de Dieu épousèrent les filles des hommes et qu'ils les aimèrent parce qu'elles étaient bonnes, c'est-à-dire belles. Car c'est la coutume de l'Écriture d'appeler bon ce qui est beau. Quant à ce qu'elle ajoute, qu'ils engendraient pour eux-mêmes, cela montre qu'auparavant ils engendraient pour Dieu, ou, en d'autres termes, qu'ils n'engendraient pas par volupté, mais pour avoir des enfants, et qu'ils n'avaient pas pour but l'agrandissement fastueux de leur famille, mais le nombre des citoyens de la cité de Dieu, à qui, comme des anges de Dieu, ils recommandaient de mettre leur espérance en lui, Psaume 77, 7, et d'être semblable à ce fils de Seth, à cet enfant de résurrection qui mit sa confiance à invoquer le nom du Seigneur, afin de devenir tous ensemble avec leur postérité les héritiers des biens éternels. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'ils aient tellement été anges de Dieu, qu'ils n'aient point été hommes, puisque l'Écriture déclare nettement qu'ils l'ont été. Après avoir dit que les anges de Dieu, épris de la beauté des filles des hommes, choisirent pour femme celle qui leur plaisait le plus, elle ajoute aussitôt, alors le Seigneur dit, « Mon esprit ne demeurera plus dans ces hommes, car ils ne sont que chair. » L'Esprit de Dieu les avait rendus anges de Dieu et enfants de Dieu, mais, comme ils s'étaient portés vers les choses basses et terrestres, l'Écriture les appelle hommes, qui est un nom de nature, et non de grâce. Elle les appelle aussi chers, parce qu'ils avaient abandonné l'Esprit, et mérité par là d'en être abandonnés. Entre les exemplaires des Septante, les uns les nomment anges et enfants de Dieu, et les autres ne leur donnent que cette dernière qualité. Et Aquila, que les Juifs préfèrent à tous les autres interprètes, n'a traduit ni ange de Dieu, ni enfant de Dieu, mais enfant des dieux. Or, toutes ces versions sont acceptables. Ils étaient enfants de Dieu et frères de leur père, qui avait comme Dieu pour père, et ils étaient enfants des dieux, parce qu'ils étaient nés de Dieu avec qui ils étaient aussi des dieux, suivant cette parole du psaume. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des enfants du Très-Haut. Psaume 81, 6. Aussi bien, on pense avec raison que les Septante ont été animés d'un esprit prophétique, et on ne doute point que ce qu'ils ont changé dans la version, il ne l'est fait par une inspiration du ciel, encore qu'ici l'on reconnaisse que le mot hébreu est équivoque, et qu'il peut aussi bien signifier enfant de Dieu comme enfant des dieux. Laissons donc les fables de ces écritures qu'on nomme apocryphes, parce que l'origine en a été inconnue à nos pères, qui nous ont transmis les véritables par une succession très connue et très assurée. Bien qu'il se trouve quelques vérités dans ces écritures apocryphes, elles ne sont d'aucune autorité, à cause des diverses faussetés qu'elles contiennent. Nous ne pouvons nier qu'Enoch, qui est le septième depuis Adam, n'ait écrit quelque chose, car l'apôtre saint Jude le témoigne dans son épître canonique, Jude 14. Mais ce n'est pas sans raison que ces écrits ne se trouvent point dans le catalogue des Écritures, qui était conservé dans le temple des Juifs par le soin des prêtres, attendu que ces prétendus livres d'Enoch ont été jugés suspects, à cause de leur trop grande antiquité, et parce qu'on ne pouvait justifier que ce fussent les mêmes qu'Enoch avait écrits, dès lors qu'ils n'étaient pas produits par ceux à qui la garde de ces sortes de livres était confiée. De là vient que les écrits allégués sous son nom, qui portent que les géants n'ont pas eu des hommes pour pères, sont justement rejetés par le chrétien sage, ainsi que beaucoup d'autres que les hérétiques produisent sous le nom d'autres anciens prophètes, ou même sous celui des apôtres, et qui sont tous mis par l'Église au rang des livres apocryphes. Il est donc certain, selon les Écritures canoniques, soit juives, soit chrétiennes, qu'il y a eu avant le déluge beaucoup de géants citoyens de la cité de la terre, et que les enfants de Seth, qui étaient enfants de Dieu par la grâce, s'unirent à eux après s'être écartés de la voie de la justice. On ne doit pas s'étonner qu'il ait pu sortir aussi de des géants. À coup sûr, ils n'étaient pas tous géants, mais il y en avait plus alors que dans toute la suite des temps qui se sont écoulés depuis, et il a plu au Créateur de les produire, pour apprendre aux sages à ne faire pas grand cas, non seulement de la beauté, mais même de la grandeur et de la force du corps, et à mettre plutôt leur bonheur en des biens spirituels et immortels, comme beaucoup plus durables et propres aux seuls gens de bien. C'est ce qu'un autre prophète déclare en ces termes. Alors étaient ces géants si fameux, hommes d'une haute stature et qui étaient habiles à la guerre. Le Seigneur ne les a pas choisis et ne leur a pas donné la science véritable, mais ils ont péri et se sont perdus par leur imprudence, parce qu'ils ne possédaient pas la sagesse. Baruch 3, 26 et 28. Chapitre 24. Comment il faut entendre ce que Dieu dit à ceux qui devaient périr par le déluge, ils ne vivront plus que 120 ans. Quand Dieu dit, ils ne vivront plus que 120 ans, Genèse 6, 3, il ne faut pas entendre que les hommes ne devaient pas passer cet âge après le déluge, puisque quelques-uns ont vécu depuis plus de 500 ans. Mais cela signifie que Dieu ne leur donnait plus que ce temps-là jusqu'au déluge. Noé avait alors 480 ans, ce que l'Écriture, selon sa coutume, appelle 500 ans pour faire le compte-rond. Or, le déluge arrive à l'an 600 de la vie de Noé, Genèse 7, 11, en sorte qu'il y avait encore, au moment de la menace divine, 120 ans à écouler jusqu'au déluge. On croit avec raison que, lorsqu'il arriva, il n'y avait plus sur la terre que des gens dignes d'être exterminés par ce fléau, car, bien que ce genre de mort n'eût pu nuire en aucune façon aux gens de bien, qui seraient toujours morts sans cela, toutefois il est vraisemblable que le déluge ne fit périr aucun des descendants de Seth. Voici quelle fut la cause du déluge, au rapport de l'Écriture sainte. Comme Dieu, dit-elle, eut vu que les hommes devenaient de jour en jour plus méchants et que toutes leurs pensées étaient sans cesse tournées au mal, il se mit à penser et à réfléchir que c'était lui qui les avait créés, et il dit, « J'exterminerai l'homme que j'ai créé, et depuis l'homme jusqu'à la bête, depuis les serpents jusqu'aux oiseaux, car, j'ai de la colère de les avoir créés. » Genèse 6, 5 à 7. Chapitre 25. La colère de Dieu ne trouble point son immuable tranquillité. La colère de Dieu n'est pas en lui une passion qui le trouble, mais un jugement par lequel il punit le crime. De même que sa pensée et sa réflexion ne sont que la raison immuable qu'il a de changer les choses. Il ne se repent pas, comme l'homme, de ce qu'il a fait, parce que son conseil est aussi ferme que sa prescience certaine. Mais si l'Écriture ne se servait pas de ces expressions familières, elle ne se proportionnerait pas à la capacité de tous les hommes dont elle veut procurer le bien et l'avantage, en étonnant les superbes, en réveillant les paresseux, en exerçant les laborieux, en éclairant les savants. Quant à la mort qu'elle annonce à tous les animaux, et même à ceux de l'air, c'est une image qu'elle donne de la grandeur de cette calamité à venir, et non une menace qu'elle fait aux animaux dépourvus de raison, comme s'ils avaient aussi péché. Chapitre 26. Tout ce qui est dit de l'arche de Noé dans la Genèse figure Jésus-Christ et l'Église. En ce qui regarde le commandement que Dieu fit à Noé, qui était, selon le témoignage de l'Écriture même, un homme parfait, Genèse 6, 9, nom de cette perfection qui doit un jour égaler aux anges les citoyens de la cité de Dieu, mais de celle dont ils sont capables en cette vie, en ce qui regarde, dis-je, le commandement que Dieu lui fit de construire une arche pour s'y sauver de la fureur du déluge, avec sa femme, ses enfants, ses brutes et les animaux qu'il eut ordre d'y faire entrer, c'est sans doute la figure de la cité de Dieu étrangère ici-bas, c'est-à-dire de l'Église, qui est sauvée par le bois où a été attaché le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2, 5. Les mesures mêmes de sa longueur, de sa hauteur et de sa largeur, sont un symbole du corps humain dont Jésus-Christ s'est vraiment revêtu, comme il avait été prédit. En effet, la longueur du corps de l'homme, de la tête aux pieds, a 6 fois autant que sa largeur, d'un côté à l'autre, et 10 fois autant que sa hauteur, c'est-à-dire que son épaisseur, prise du dos au ventre. C'est pourquoi l'arche avait 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. La porte qu'elle avait sur le côté elle appelait que la lance fit au côté de Jésus-Christ crucifié. Jean 19, 34. C'est, en effet, par là qu'entre ceux qui viennent à lui, parce que c'est de là que sont sortis les sacrements par qui les fidèles sont initiés. Dieu commente qu'on la construise de poutres cubiques, pour figurer la vie stable et égale des saints, car dans quelque sens que vous tourniez un cube, il demeure ferme sur sa base. Les autres choses de même qui sont marquées dans la structure de l'arche sont des figures de ce qui se passe dans l'Église. Il serait trop long d'expliquer tout cela en détail, outre que nous l'avons déjà fait dans nos livres contre Faust le Manichéen, qui prétend qu'il n'y a aucune prophétie de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il se peut bien faire qu'entre les explications qu'on en donnera, celle-ci soit meilleure que celle-là, et même que les nôtres, mais il faut au moins qu'elles se rapportent toutes à cette cité de Dieu qui voyage dans ce monde corrompu comme au milieu d'un déluge, à moins qu'on ne veuille s'écarter du sens de l'Écriture. Par exemple, j'ai dit, dans mes livres contre Faust, au sujet de ces paroles, vous ferez en bas 2 ou 3 étages, Genèse 6, 16, que ces 2 étages signifient l'Église, cette assemblée de toutes les nations, à cause des 2 genres d'hommes qui la composent, les Juifs et les Gentils. Voyez Saint Paul, Romains 3, 9. Et que 3 étages la figurent aussi, parce que toutes les nations sont sorties après le déluge des 3 fils de Noé. Un autre, par ces 3 étages, entendra peut-être ces 3 vertus principales que recommande l'apôtre, savoir, la foi, l'espérance et la charité, Corinthiens 13, 13. On peut aussi et mieux encore y voir l'image de ces 3 abondantes moissons de l'Évangile, Matthieu 13, 8, dont l'une rend 30 pour 1, l'autre 60 et l'autre 100, en sorte que la chasteté conjugale occupe le dernier étage, la continence des veuves le second, et celle des vierges le 3e et le plus haut. Et ainsi du reste, qu'on peut expliquer de différentes manières, mais où l'on doit toujours prendre garde de ne s'éloigner en rien de la foi catholique. Chapitre 27. On ne doit pas plus donner les mains à ceux qui ne voient que de l'histoire dans ce que la Genèse dit de l'arche de Noé et du déluge, et rejette les allégories, qu'à ceux qui n'y voient que des allégories et rejettent l'histoire. On aurait tort de croire qu'aucune de ces choses ait été écrite en vain, ou qu'on n'y doive chercher que la vérité historique sans allégorie, ou au contraire que ce ne soit que des allégories, ou enfin, quoi qu'on en pense, qu'elles ne contiennent aucune prophétie de l'Église. Quel homme de bon sens pourrait prétendre que des livres si religieusement conservés durant tant de milliers d'années aient été écrits à l'aventure, ou qu'il y faille seulement considérer la vérité de l'histoire? Pour ne parler que d'un point, il n'y avait aucune nécessité de faire entrer dans l'arche deux animaux immondes de chaque espèce, et sept des autres. On y en pouvait faire, Genèse 7, 2, entrer des uns et des autres en nombre égal, et Dieu, qui commandait de les garder ainsi pour en réparer l'espèce, était apparemment assez puissant pour les refaire de la même façon qu'il les avait faits. Pour ceux qui soutiennent que ces choses ne sont pas arrivées en effet et que ce ne sont que des figures et des allégories, ce qui les porte à en juger ainsi, c'est surtout qu'ils ne croient pas que ce déluge ait pu être assez grand pour dépasser de 15 coudées la cime des plus hautes montagnes. Par cette raison, disent-ils, que les nuées n'arrivent jamais au sommet de l'Olympe, et qu'il n'y a point là de cet air épais et grossier où s'engendrent les vents, les pluies et les nuages. Mais ils ne prennent pas garde qu'il y a de la terre, laquelle est le plus matériel de tous les éléments. N'est-ce point peut-être qu'ils prétendent aussi que le sommet de cette montagne n'est pas de terre? Pourquoi ces peseurs d'éléments veulent-ils donc que la terre ait pu s'élever si haut et que l'eau ne l'ait pas plus de même, eux qui avouent que l'eau est plus légère que la terre? Ils disent encore que l'arche ne pouvait pas être assez grande pour contenir tant d'animaux. Mais ils ne songent pas qu'il y avait trois étages, chacun de 300 coudées de long, de 50 de large et de 30 de haut, ce qui fait en tout 900 coudées en longueur, 150 en largeur et 90 en hauteur. Si nous ajoutons à cela, suivant la remarque ingénieuse d'Origène que Moïse, parfaitement versé, au rapport de l'Écriture, Actes des Apôtres 7, 22, dans toutes les sciences des Égyptiens, qui s'adonnaient fort aux mathématiques, a pu prendre ses coudées pour des coudées, de géomètres, qui en valent six des nôtres, qui ne voient combien ils pouvaient tenir de choses dans un lieu si vaste. Quant à la prétendue impossibilité de faire une arche si grande, elle ne mérite pas qu'on s'y arrête, attendu que tous les jours on bâtit des villes immenses, et qu'il ne faut pas oublier que Noé fut 100 ans à construire son ouvrage. Ajoutez à cela que cette arche n'était faite que de planches droites, qu'il ne fut besoin d'aucun effort pour la mettre en mer, mais qu'elle fut insensiblement soulevée par les eaux du déluge, et enfin que Dieu même la conduisait et l'empêchait de naufrager. Que répondre encore à ceux qui demandent si des souris et des lézards, ou même encore des sauterelles, des scarabées, des mouches et des puces entrèrent aussi dans l'arche en même nombre que les autres animaux? Ceux qui proposent cette question doivent savoir d'abord qu'il n'était point nécessaire qu'il y eût dans l'arche, non seulement aucun des animaux qui peuvent vivre dans l'eau, comme les poissons, mais même aucun de ceux qui vivent sur sa surface, comme une infinité d'oiseaux aquatiques. De plus, l'Écriture marque expressément que Noé y fit entrer un mâle et une femelle de chaque espèce, pour montrer que c'était pour en réparer la race, et qu'ainsi il n'était point besoin d'y mettre ceux qui naissent sans l'union des sexes ou qui proviennent de la corruption. Ou que si l'on y en mit, ce fut sans aucun nombre certain, comme ils sont ordinairement dans les maisons. Ou enfin, si l'on prétend que, pour figurer avec une exactitude parfaite le plus auguste des mystères, il fallait qu'il y eût un nombre limité de toutes les sortes d'animaux qui ne peuvent vivre naturellement dans l'eau, Je réponds que la providence de Dieu pourvu à tout cela sans que les hommes eussent à s'en mêler. Noé ne prenait pas les animaux pour les mettre dans l'arche, mais ils y venaient d'eux-mêmes. Les paroles de l'Écriture le font assez entendre. Ils viendront à vous, Genèse 6, 19, 20. C'est-à-dire qu'ils n'y viendront pas par l'entremise des hommes, mais par la volonté de Dieu, qui leur en donnera l'instinct. Il ne faut pas s'imaginer néanmoins que les animaux qui n'ont point de sexe y soient entrés, car l'Écriture dit en termes formels qu'il devait y entrer un mâle et une femelle de chaque espèce. Il existe en effet certains animaux qui s'engendrent de corruption et qui ne laissent pas ensuite de s'accoupler, comme les mouches. Il en est d'autres en qui l'on ne remarque aucune différence de sexe, comme les abeilles. Pour les bêtes qui ont un sexe, mais qui n'engendrent point, comme les mules et les mulets, je ne sais si elles y eurent place, et peut-être n'y eut-il que celles dont elles procèdent, et ainsi des autres animaux hybrides. Si toutefois cela était nécessaire pour le mystère, elles y étaient, puisque dans cette espèce d'animaux il y a aussi mâles et femelles. Quelques-uns demandent encore quelle sorte de nourriture pouvaient avoir là les animaux que l'on croit ne vivre que de chair, si Noé en fit entrer dans l'arche quelques autres pour les nourrir, outre ceux que Dieu lui avait commandés, ou, ce qui est plus vraisemblable, s'il y avait quelques aliments communs à tous. Car nous savons que plusieurs animaux qui se nourrissent de chair mangent aussi des fruits et particulièrement des figues et des châtaignes. Quelle merveille donc que Noé, ce sage et saint personnage, ait préparé dans l'arche une nourriture convenable à tous les animaux et qu'au surplus Dieu même avait pu lui indiquer. D'ailleurs, que ne mange-t-on point, quand on a faim? Et puis, Dieu n'était-il pas assez puissant pour leur rendre agréable et salutaire toutes sortes d'aliments, lui qui n'en aurait pas eu besoin pour les faire subsister, si cela n'eût été compris dans l'accomplissement figuré du mystère? Au reste, que tant de choses spécifiées dans le plus grand détail soient des figures de l'Église, c'est ce qu'on ne saurait nier sans opiniâtreté. Les nations, tant pures qu'impures, ont déjà tellement rempli l'Église et sont si bien unies par les liens inviolables de son unité, jusqu'à l'accomplissement final, que ce fait seul, qui est si évident, suffit pour ne nous laisser aucun doute sur les autres choses qui ne sont pas aussi claires. Et par conséquent, il faut croire que c'est avec beaucoup de sagesse que ces événements ont été confiés à la tradition et à l'Écriture, qu'ils sont arrivés en effet, qu'ils signifient quelque chose, et que ce qu'ils signifient concerne l'Église. Mais il est temps de finir ce livre, pour continuer dans le suivant l'histoire des deux cités depuis le déluge. Mark M. Dan, archive.org, 2019. D'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial partage à l'identique.